Chapitre 2e, à Meudon. Ainsi que l'avait dit Allègre au secrétaire de la mairie de Vilaine, son futur beau-père, M. Desmarres, était marchand mercier, rue des Dames, à Batignolles. C'était un vieux brave homme qui avait travaillé 30 ans de sa vie pour acquérir 4 à 5 000 livres de rente. Il était maintenant fatigué et avide de se retirer à la campagne. C'était par une circonstance toute fortuite qu'Allègre avait fait sa connaissance. Un soir que M. Desmarres et Germaine étaient allés au cinéma, un orage subit éclata. Très ennuyé, car ils n'avaient point emporté de parapluie, le père et la fille s'étaient réfugiés sous une porte cochère. À ce moment passait Allègre, qui, lui, avait décidé un cocher à marcher. Apercevant les deux malheureux désolés, il avait fait arrêter. On s'était assis dans le fiacre, et il avait conduit M. et Mlle Desmarres rue des Dames. Par reconnaissance, on l'avait invité à dîner le lendemain. Il avait accepté, et c'est ainsi qu'il était devenu d'abord un ami de la maison et par la suite le fiancé de Germaine. Il revenait à Paris beaucoup moins satisfait qu'il n'en était parti. D'abord, cette histoire de son prétendu décès rendait son mariage impossible pour le moment. Ensuite, il se demandait comment cela avait pu se faire et surtout comment il arriverait à sortir de l'impasse où il se trouvait. Il se rendit rue des Dames l'oreille basse et raconta à M. Desmarres ce qui venait de lui arriver. Le bonhomme se demanda d'abord si son futur gendre n'était pas devenu fou. Mais quand il eut lu la copie faite par le secrétaire, il se rendit à l'évidence et demeura aussi perplexe que le pauvre Allègre. « Il doit y avoir là une erreur, » dit-il, après avoir longuement réfléchi. « Et cette erreur, c'est évidemment la mairie de Meudon qui l'a commise. On aura pris un nom pour un autre. C'est comme si je faisais le relevé de compte d'un client et que je l'attribuasse au client d'à côté. » « Vous ne vous rappelez pas avoir été pour quelque formalité à Meudon ? Jamais de la vie. »« Parce qu'on aurait pu lire votre nom sur le registre et le transcrire. »« Écoutez, voulez-vous mon avis ? Eh bien, allez à Meudon le plus tôt possible. Je parie 100 sous contre 10 qu'en 5 minutes, l'erreur sera reconnue et réparée. »« J'ai bien peur que ça n'aille pas si facilement que cela, » dit en soupirant Allègre. « Enfin, je vais essayer. Malheureusement, il est trop tard pour aujourd'hui. » Mais demain, à la première heure, je serai à Meudon. En attendant, vous allez rester à dîner avec nous, dit le mercier. Avec plaisir. Comme cela, je serai moins énervé d'attendre la clé de cette énigme. Bon, bon, ne vous mettez pas martel en tête. Vous aurez cela demain. L'heure du dîner était arrivée. On se mit à table. Allègre était placé à côté de sa fiancée. Mais contrairement à son habitude, il était taciturne. Sa belle faconde de commis-voyageur avait disparu. C'était à peine s'il répondait aux avances de sa voisine, et la pauvre Germaine se demandait ce qu'il avait à être si triste. C'est qu'il était tourmenté par ce mot du secrétaire de la mairie, « Un acte est un acte, il n'y a pas à aller contre. »« Sacrebleu !» se disait-il, « je ne peux pourtant pas consentir à rester mort toute ma vie. » On se sépara de bonne heure. Allègre rentra chez lui et ne dormit pas. Il avait une impatience fébrile d'être à Meudon. Comme il l'avait annoncé, il prit le premier train et fut à la mairie bien avant que les bureaux ne fussent ouverts. Enfin, il put entrer et s'adresser au secrétaire de la mairie. Il lui demanda s'il pouvait lui donner connaissance de l'acte de décès d'Allègre, décédé le 13 juin 1876. « Rien de plus facile, » répondit gracieusement le secrétaire. Il alla chercher un registre poussiéreux, l'ouvrit, et au bout d'une minute, il l'étala sur un pupitre. « Voilà, monsieur, » dit-il. Allègre s'approcha et terrifié, lut. Du 13 juin 1876 à 11 heures du matin, acte de décès de Allègre Louis-Antoine, voyageur de commerce, âgé de 23 ans et 8 mois, né à Vilaine, en Seine-et-Oise, le 5 octobre 1852, décédé à Meudon, rue de Paris, numéro 132 bis, aujourd'hui à 9 heures du matin, sans autre renseignement. Les témoins ont été M. Jalin Edmond, facteur des postes, âgé de 49 ans, demeurant rue de Paris, 142 à Meudon, et Alexandre Boyer, menuisier, âgé de 38 ans, demeurant rue des Bourguignons, 16, tous deux voisins du décédé, lesquels ont signé avec nous, adjoint en maire, par délégation, officier de l'état civil, après lecture faite et le décès constaté par nous sous-signés. Suivez les signatures, Jalin, Boyer et Régis, adjoints. Allègre était confondu. Il demanda une copie de cette pièce authentique qu'il rayait du nombre des vivants, la paya, et revint à Paris plus désolé que jamais. « Nous n'avons plus qu'une chose à faire, » déclara M. Desmarre, « c'est de nous adresser à la préfecture de police. » Et sans plus tarder, ils se rendirent boulevard du Palais.